Mais qui nous le prouve? Mais c'est parce qu'il n'y en a pas. c'est parce que ça n'existe pas. C'est toujours dans le même sens. Ça n'a pas donné qu'on puisse le dénoncer. C'est, ça ne s'est jamais présenté comme situation. Paula lui a demandé pourquoi il avait accepté l'invitation du cégep. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis invité au cégep Limoilou. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation. Parce que je pense que c'est important de réfléchir, de discuter de ce qui s'est passé, puis de peut-être déconstruire certains mythes qui sont entretenus. Alors, il a déploré également qu'on infantilisait les étudiants. Je trouve ça dommage qu'on parle d'endoctrinement, parce que quand on dit ça, c'est comme si on infantilisait les étudiants, alors que moi, je leur fais confiance pour non seulement m'écouter, mais me poser des questions corsées s'ils le font. Ben oui, c'est toujours ça. C'est drôle, hein, comment, quand les médias font de la propagande gauchiste ou dans les cégeps, etc., les gens sont responsables, inquiétez-vous pas, il y aura rien. Puis le moindrement que tu émets des opinions un peu de la droite, c'est de la démagogie. Puis là, ben tout le monde, on sait bien, c'est le mystère Québec, c'est juste dû à ça. Puis faites confiance aux gens. Puis sais-tu quoi? Moi, je suis convaincu que la majorité des gens au cégep sont capables de faire la part des choses. Quand même que tu lui parles de la gauche, puis de Nadeau-Dubois, puis des carrés rouges à longueur d'année, je sais qu'il y en a qui vont résister quand même, puis être capables. Mais à un moment donné, là, force de taper sur le clou, là. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir du brainwashing, je répète. S'il y a des gens qui disent, ouais, mais tu dois faire la même affaire, Butch. Le brainwashing ne peut seulement marcher lorsqu'il n'est pas annoncé, lorsqu'il est par en dessous, lorsqu'il est camouflé. Bon, on va vous donner un exemple. Moi, il y a des médias qui sont tellement avoués à gauche, là, j'ai pas de problème avec ça. Si le prof l'avoue, puis s'il dit que c'est engagé, moi, je fais confiance à l'esprit des gens. Vous savez, exemple, que vous écoutez une radio, d'abord pas une radio, parce qu'à Cogeco, il y a toutes sortes d'opinions. Il faut que je fasse attention, mais moi, vous savez à quelle enseigne je loge. Ouais. Au complet. Et je vous fais confiance. Vous savez que je suis plus à droite, vous savez que je suis pas péquiste. Fait que, quand je parle du PQ, je suis convaincu que vous en prenez, vous en laissez un petit peu. Vous allez dire, peut-être que des fois, t'exagères un peu, Butch, mais on le sait de quelle bord t'es, etc. On se parle en adulte, je suis loin d'avoir tout le temps raison, pas meilleur qu'un autre, je vous donne mes opinions, vous en prenez, vous en laissez. Par contre, si t'écoutes Radio-Canada, Radio-Canada est apparemment une station neutre, parce que c'est payé par nos impôts, c'est des fonds publics. Alors, ils sont tous gauchistes. Ils sont tous gauchistes à Radio-Can. Et c'est constamment de la gauche, c'est anti-Harper, conservateur, pro-PQ, moi je le vois dans tous les débats. Là, il y a du brainwashing possible. Parce que, ouais, mais une personne... Les auditeurs, ils doivent aussi faire la part des choses. Si tu dis que nos auditeurs font la part des choses, les auditeurs de Radio-Canada non, aussi. Non, pas tous. Parce que c'est une radio qui se présente comme neutre. C'est l'information pure. Ils sont meilleurs que nous. C'est l'indépendance, l'objectivité, la rigueur. Or, ils sont gauchistes. C'est full teinté, full biaisé. Ah, oh, mais tu l'es aussi, toi. Oui, des fois, oui. Moi, je le sais. Mais vous le savez, vous, on se cache pas à Québec de nos opinions. Il y a des radios plus à gauche, d'autres plus à droite. Le jeu est plus transparent. Je prends l'exemple des médias, mais c'est pareil à l'école. C'est un prof, tous les profs de cégep ont des opinions. Ils sont tous fondamentalement un peu subjectifs de gauche ou de droite. S'ils l'avouent, en partant. Puis que, par contre, ils respectent l'indépendance de leurs étudiants, puis ils leur font entendre différents points de vue, il ne peut y avoir aucun brainwashage. Si le prof se présente comme des purs, des rigoureux, puis après ça, lecture obligatoire de Gabriel Nadeau-Dubois, puis venez le rencontrer, puis là, selon moi, il y a un brainwashage possible. Parce que la personne pense être face à une information rigoureuse, exacte, indépendante, neutre. En réalité, c'est biaisé pis teinté à mort. Mais là, peut-être que... Je sais pas si tu comprends la nuance. Oui, je comprends. Et c'est ça. On s'entend-tu tout le monde, là? Les gens qui travaillent à Radio-Canada, le seul, puis c'est drôle, là, même si je respecte au moins ça, le plus avoué, c'est Guillaume Lepage. Clairement. Gauchiste, Montréalais, ouais, il le dit. Il prétend pas de faire de l'information, lui. Il est animateur. Ouais, mais ça demeure un show pareil d'information. Je comprends. Avec une ligne éditoriale, puis il fait des choix, puis il y a de l'opinion, si tu veux bien entendre. Ouais, oui. Mais lui, il le dit. Mm-hmm. Par contre, tous les autres vedettes de Radio-Canada n'avoueront jamais, là. Jamais. Mais c'est clair, c'est gauchiste à mort. Mais c'est parce qu'ils l'avouent trop, à un moment donné, on va poser des questions, on va dire c'est parce que c'est public. C'est payé de l'argent public. Puis vous vous prétendez neutre, rigoureux, indépendant et tout. Ah, vous êtes gauchiste à mort. Checkez vos shows, là. Ben oui, mais... Radio, etc. Influence communication. Qui est à droite à Radio-Canada? Ben oui, qui est à droite à Radio-Can? Anyway, dans les élections, on a déjà fait des études avec des recensements. Exact. Puis le biais est bien clair. Ça, c'est dangereux. La même affaire, transposer ce que je dis sur les médias avec le cégep. Même affaire. là aussi, il peut y avoir un biais si on présente ça comme étant la, sans dire la vérité avec un grand V, mais voici ce que c'est, voici les idées intéressantes, on va jaser de ça. Quelqu'un qui arrive là, puis il y a pas trop d'autres sources d'informations, comme bien des jeunes aujourd'hui, on s'entend que c'est plus difficile de les intéresser à l'actualité, l'information. T'as le prof de cégep qui est pro-Carré Rouge, pro-Gabriel Nadeau-Dubois à mort. Anyway, si c'est pas ça, comment ça se fait que... Heureusement, Québec est un contrepoids. Parce que oui, il y a des médias de droite à Québec. Avez-vous remarqué que pendant la crise étudiante, ça n'a pas été pareil? Mm-hmm. Avez-vous remarqué qu'on vote pas pareil à Québec comme à Montréal? Mm. Peut-être, mais il y a du vote de gauche, là. Ça a voté NPD aux dernières élections fédérales. Fait qu'arrêtez-moi avec la radio qui contrôle tout le monde. Je connais... Il y a pas beaucoup de pro-NPD dans la radio. Les gens ont fait la part des choses. En bout de ligne, c'est vous qui avez raison. Mais il y a de la gauche. Il y a de la gauche au Soleil. Il y a de la gauche à Radio-Canada. Il y a de la gauche à TVA. Il y a de la gauche à Québec, là. Mais oui, il y a aussi de la droite. Ce qui fait que quand tu regardes les votes, on a déjà été bloc. Il y a du PQ. Il y a du conservateur. Il y a aussi du NPD. Il y a un peu de tout. Moi, j'adore ça. À Montréal, c'est tout d'un bord. Il y a jamais un député de l'ADQ qui a passé proche de se faire élire à Montréal. Jamais. Mais les médias sont tellement biaisés, sont tellement tous orientés, tous à gauche, que ça donne ça. Nos cégeps, dans certains cas, avec les syndicats et les profs, t'as une orientation claire aussi. 8,51. Toi, Martin, qui veux acheter une maison sans prendre de risques, eh bien, Josette Lambert, ton courtier de Via Capital.